J'ai du mal à admettre que t'es plus rien à te mettre. Je crois que c'est qu'une excuse pour traîner en petite culotte et vérifier ta cote. Je connais cette ruse, je te connais. Tu voudrais me faire croire que t'ignores tes pouvoirs, mais tu l'as bien compris, ils sont grands. Me faire entrouvrir la bouche, voir ma tête quand je louche, ça doit être ça qui t'amuse tant. Sur le lit tu fais un tas des fringues que tu veux pas, des t-shirts que les groupes t'envoient. Il y en a tellement, faut dire que tu travailles tant. Allez viens recouche-toi avec moi. Mais tu fredonnes enfin une chanson que t'aimes bien, Almost Human ou Pantera. D'accord pour que tu chasses tes fringues qui n'ont plus leur place, il en reste une petite pour moi. La marque de tes dentelles, les marques de tes bretelles, il faut être moi pour les voir. T'examines une chemise, hier tu l'as déjà mise, je te le dis juste pour mémoire. Tu peux toujours renoncer à ce soutien-gorge osé, c'est une précaution inutile. T'es une fleur maléfique, déjà trop magnifique, dans tes hésitations textiles. Tu sais que si tu veux, je te prête mon jean bleu et mon t-shirt qui sera trop grand. Le risque c'est qu'avec, on te prenne pour ton mec, vu que d'habitude c'est moi dedans. Alors, je te propose un truc, depuis le temps que je te luque, je t'enlève tes derniers pétales. Et je t'offre ma peau, je suis un vêtement chaud, je suis sûr de t'aller pas mal. Alors je te propose un truc, depuis le temps que je te reluque, je t'enlève tes derniers pétales. Et je t'offre ma peau, je suis un vêtement chaud, je suis sûr de t'aller pas mal.